Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 15e instruction, pour la fête de la maternité divine de la Sainte Vierge le 11 octobre. L'armée redoutable de Jabin ayant été détruite, et Sisara son général mis à mort, l'intrépide Déborah Antona, à la gloire du Dieu des armées, un cantique où elle s'écrie que les princes, que les puissants d'Israël, gémissant sous l'horrible esclavage de ce formidable ennemi, manquèrent de force et de vigueur, le front courbé sous le joug barbare qui pesait sur eux, ils demeurèrent plongés dans la consternation et le découragement, jusqu'au moment où l'on vit s'élever une mer dans Israël, Juges 5, 7. Mais à peine celle-ci eut-elle paru qu'on vit à l'instant renaître une nouvelle ardeur, on vit un genre de guerre inouïe, on vit des hommes combattre sous les ordres d'une femme, Ibidem 5, 8. Les ennemis déconcertés prirent la fuite et désertèrent le champ de bataille, tandis qu'Israël recouvrait son ancienne liberté. Ce fait retrace admirablement à nos yeux un autre événement bien plus heureux pour nous, et infiniment plus glorieux pour le sexe qui en fournit l'héroïne. Le genre humain tout entier gémissait depuis longtemps sous l'oppression barbare et tyrannique du démon. Cet infernal ennemi, après nous avoir vaincus, nous tenait étroitement serrés dans ses chaînes. Succombant sous leur poids, nous étions sans vigueur et sans force, et peut-être gémirions-nous encore dans cette déplorable servitude, mais, Dieu soit béni, une femme se présente enfin, une mère s'élève dans Israël, Marie paraît, ce fut là cette femme admirable qui présenta au monde un spectacle inouï, qui déclara au prince des ténèbres une guerre nouvelle et inaccoutumée, dans laquelle elle se mit à notre tête et se fit notre chef, marchant sous ses auspices nous retrouverons la vigueur et le courage, nous triompherons sans peine des légions infernales, et nous remporterons sur l'ennemi une victoire complète. Or, à qui revient la gloire de tant de prodiges, à Dieu en premier lieu, en second lieu à Marie, notre mère, Dieu nous a sauvés par la main d'une femme. C'est là cette femme, non seulement figurée dans Déborah, mais prédite en ces termes, jusqu'à ce qu'une mère se soit élevée dans Israël, c'est elle qui est la mère de Dieu, aussi bien que la nôtre. Nous devons par conséquent nous montrer les véritables enfants de cette tendre mère. Oui, Marie est notre mère, et nous sommes ses enfants. Marie est une mère excellente, nous devons donc être à son égard des enfants excellents, ou du moins bons et pieux. Voyons en quelques mots la vérité de la première partie de ma proposition, ensuite nous examinerons si la seconde partie se réalise aussi parfaitement en nous. Que Marie soit notre mère, nous ne pouvons en douter, tous les saints pères l'ont reconnue pour telle. L'Église nous ordonne de l'invoquer sous ce titre, et c'est comme tel que Jésus-Christ nous l'a légué du haut de sa croix. Il s'était livré tout entier, par amour pour nous, aux plus cruelles souffrances, et il se voyait sur le point de subir, par un effet de cet amour, la mort la plus douloureuse, non content, pour ainsi dire, de l'excès de tendresse qu'il nous avait montré. Il voulut encore nous faire don de sa mère, qui était, pour ainsi dire, un autre lui-même. Jésus, du haut de sa croix, va dicter son testament, il promène autour de lui ses regards mourants, et que voit-il? Il voit des bourreaux acharnés, il voit la troupe inique des scribes et des pharisiens, il voit la face impure de l'univers plongée tout entier dans l'idolâtrie et dans les plus infâmes abominations, tout cela est vrai, mais il aperçoit aussi à ses pieds sa mère chérie, Marie, la plus affectionnée des mères, La plus pure entre toutes les vierges, Saint Ambroise, Saint Ambroise, il voit son bien-aimé disciple, et dans sa personne, tous ses enfants, tous les fidèles, rachetés au prix de son divin sang. Jésus s'adresse à sa mère, et que lui dit-il? Femme, lui dit-il, en montrant non seulement Saint Jean, mais nous tous avec lui, femme, voilà votre fils, Jean 19, 16. Se tournant ensuite vers Saint Jean et vers nous enfants, nous dit-il, voilà ma mère que je vous laisse pour être votre mère, qu'elle soit désormais votre mère par grâce, comme elle a été la mienne par nature. Nous ne pouvons donc en douter, mon cher frère, Marie est notre mère. Mais ce n'est pas là ce que j'avais à démontrer, je devais vous faire voir que Marie est pour nous la mère la plus excellente. Nous sera-t-il bien difficile à moi de le démontrer, et à vous d'en demeurer persuadé? Mon Dieu, comment pourrions-nous jamais avoir le moindre doute sur cette vérité? Comment pourrions-nous douter que la créature choisie de Dieu pour être sa mère, ne soit aussi pour nous la meilleure de toutes les mères, et qui pourrait croire que Dieu, voulant faire un choix pour lui-même, n'ait pas choisi la meilleure part, manquerait-il de perspicacité ou de discernement? Si donc il a voulu se choisir une mère, on ne peut douter qu'il ait choisi la plus excellente entre toutes les femmes. Je dirai plus, Dieu n'a pas été la choisir parmi les femmes qu'il avait créées, comme n'ayant eu dans l'acte de leur création aucune vue particulière, non, il la créa certainement telle qu'il la voulait, puisqu'il la créa pour lui-même. Pourriez-vous croire ou supposer qu'ayant à se former une mère, il eût négligé de la douer de toutes les qualités qui la rendissent la plus excellente et la plus parfaite de toutes les mères? Mais comment le supposer, s'il apportait tant de soins à la perfection de l'arche dans laquelle devaient reposer les tables de la loi, qu'il ne crût pas trop faire en remplissant mes ailes et ailes de son esprit, afin qu'il fût en état d'exécuter un chef-d'œuvre accompli jusque dans ses moindres détails? Pourriez-vous croire qu'il ait mis moins d'attention à former cette arche précieuse, destinée à renfermer, non la loi, mais le législateur lui-même? Il la créa donc à dessein, et il en fit la plus excellente de toutes les mères. Ce qui a été dit jusqu'ici ne prouve cependant qu'une chose, me direz-vous, savoir que Dieu la forma excellente pour lui-même, mais rien ne démontre qu'il l'ait rendue telle par rapport à nous. Or vous aviez à prouver que Marie est pour nous la meilleure des mères. Mon frère, n'en doutez pas, je le prouverai. Et d'abord, comment pourriez-vous supposer qu'une mère ne fût pas bonne pour nous, si elle est-elle pour Dieu? Ne savez-vous pas qu'une chose est d'autant plus excellente à tous égards qu'elle se rapproche davantage de Dieu? Or, qu'y a-t-il de plus proche de Dieu que sa mère, qui, plus que sa mère, peut être bon et parfait sous tous les rapports? Je dis sous tous les rapports, c'est donc par rapport à nous aussi bien que par rapport à Dieu? Ignorez-vous, mon frère, que toute bonté découle d'une source unique, et qu'elle se répand également de tous côtés? En d'autres termes, ne savez-vous pas que la charité est une seule habitude de l'âme, seul arbre se divisant en deux branches qui sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Que d'après la loi qui les gouverne, l'amour du prochain s'augmente dans l'âme en proportion du progrès et de l'accroissement qui prend l'amour de Dieu. Si Marie fut la plus excellente de toutes les créatures à l'égard de Dieu, il s'ensuit qu'elle l'aima plus qu'aucune autre, mais si elle aima Dieu plus que nulle autre créature, il s'ensuit aussi qu'elle surpasse toutes les créatures par l'amour qu'elle nous porte, et que par conséquent elle nous aime plus qu'aucune autre mère. Pour laisser de côté tout autre argument, Ne suffirait-il pas de songer que Dieu lui-même l'a destinée pour être notre mère? Il est certain, dit l'angélique docteur Saint Thomas, que quand Dieu destine une personne à un office quelconque, il la dispose de telle sorte qu'elle soit propre à bien s'acquitter des obligations que cet office lui impose, confère Saint Thomas. Le Très-Haut ayant donc décrété que Marie serait notre mère, nous ne pouvons douter, sans faire à Dieu l'injure la plus solennelle, qu'il n'ait pris soin de l'orner des dispositions qui la rendissent propre à s'acquitter heureusement de l'office qu'il voulait lui imposer. Dieu ne forme jamais une mère, sans former en même temps une nourrice, parce qu'il veut que la mère elle-même se charge de fournir l'aliment aux fruits de ses entrailles. C'est pourquoi il dispose tout de telle sorte que l'enfant à peine né, la mère se voit en état de subvenir à son entretien. Il ne peut donc nous rester aucun doute que Marie ne soit pourvue de l'aliment proportionné à nos besoins, puisqu'elle a été établie notre mère par Dieu lui-même. Et remarquez-le bien, elle est mère non par la nature mais par la grâce, c'est-à-dire, par un amour, par une charité surnaturelle et divine. Autant donc la grâce est supérieure à la nature, autant l'amour de Marie pour nous surpasse l'amour que toutes les autres mères portent à leurs enfants. Une mère selon la chair pourra cesser d'aimer son enfant, elle pourra même le haïr, et à plus forte raison l'oublier. Cela vient de ce que le fondement de son amour est trop faible et trop chancelant, n'étant autre que la chair et le sang. Mais la même chose n'arrivera jamais à Marie, le nœud qui l'unit à nous est bien autrement fort, la grâce qui, comme un rocher immobile, soutient son cœur maternel est bien autrement inébranlable et indéfectible. Non, mes enfants, ne craignez pas, semble s'écrier Marie, ne craignez pas que je puisse vous oublier jamais, qu'une mère terrestre puisse oublier son enfant. On le conçoit, mais pour moi, jamais, Isaïe 49, 15. Mais pourquoi en douter plus longtemps, mon cher frère, quand toute preuve nous manquerait, notre propre expérience n'est-elle pas là? Dites-moi si Marie vous a jamais oublié. Pour moi, je puis dire au contraire, que j'ai toujours été présente à son souvenir. Toujours elle m'a regardé d'un œil de miséricorde, toujours elle m'a secouru, même quand je ne pensais guère à elle ni à Dieu. J'ai bien pu l'oublier, et plus à Dieu que je ne l'eusse pas fait, mais il ne lui fut pas également possible de m'oublier à son tour. Je suppose que la même chose vous sera arrivée. Que de grâce en effet la Sainte Vierge ne vous a-t-elle pas obtenue? De combien de périls ne vous a-t-elle pas délivré? Que de saintes inspirations, que de bons mouvements n'a-t-elle pas suggéré à votre esprit et à votre cœur? Racontez-le, si vous le pouvez. Mais je suis sûr que vous ne le pourrez jamais, parce qu'il ne vous sera pas donné de les apprécier, tant que vous vivrez dans l'enveloppe de cette chair mortelle. Savez-vous quand vous en aurez une connaissance claire et parfaite? Lorsque vous aurez le bonheur d'entrer dans l'heureuse patrie, alors nous serons ravis de voir l'enchaînement des grâces extraordinaires que Dieu nous aura accordées par l'intercession de Marie. Alors nous serons convaincus que Marie a toujours été pour nous une bonne, une excellente mère. Mais répondez-moi, mon cher frère, sommes-nous des enfants de Marie? Je ne dirai pas excellents, mais du moins bons et pieux. Vous savez fort bien qu'au terme de mère doit toujours correspondre celui de fils, vu qu'il ne peut y avoir de mère sans fils, ni de fils sans mère. Si donc Marie est notre mère, nous devons être aussi ses enfants. Jusqu'ici tout va bien, tout s'explique sans peine. Les substantifs se correspondent, mais je doute que les adjectifs se correspondent d'eux-mêmes, je doute, dis-je, que les qualités des enfants répondent à celles de la mère. C'est impossible, me direz-vous aussitôt, comment nous persuader jamais que nous possédions des qualités égales ou correspondantes à celles de Marie? Je vous entends, mon frère, aussi je ne cherche pas si nous sommes excellents autant que Marie. Mais seulement si nous sommes au moins des enfants pieux à son égard, et si nous nous acquittons envers elle des devoirs que tout fils bien errant a sa mère. Ces devoirs sont nombreux, et je dirais même infinis, puisqu'on n'a jamais assez fait pour Dieu et ses parents. Les principaux néanmoins se réduisent à trois, amour, respect et obéissance. Disons deux mots de chacun. Note. J'en ai traité plus au long dans cet ouvrage, volume 1, deuxième partie, chapitre 4 et suivant. Je ne ferai ici qu'en donner un rapide aperçu, le lecteur étant à même de revoir ce que j'en ai dit précédemment. Fin de la note. Le premier devoir d'un fils envers sa mère consiste donc à l'aimer, devoir le plus essentiel, devoir qui sert d'appui à tous les autres, devoir qui n'a pas besoin d'être démontré, mais bien d'être pratiqué. Pour le connaître, nous n'avons qu'à rentrer en nous-mêmes, et à voir ce que la main de Dieu a gravé dans nos cœurs, nous y trouverons écrite, en caractères indélébiles, l'obligation d'aimer notre mère. Quiconque ne l'aperçoit pas est un aveugle. Quiconque ne l'observe pas est l'être le plus ingrat. Si nous voulons éviter de paraître aveugles, faisons profession de reconnaître ce devoir envers Marie, et si nous ne voulons pas être les plus ingrats des hommes, acquittons-nous-en avec toute l'ardeur possible. À mon cher frère, aimons tendrement cette mère digne de tout amour, aimons-la plus que toutes les créatures, parce que de toutes les créatures c'est celle qui mérite le plus notre amour. Ah, s'il nous était donné de la contempler un instant, vous n'auriez plus besoin d'être exhorté à l'aimer, votre cœur, à cette vue, serait transporté, enchaîné, et je dirais presque nécessité à aimer un objet aussi ravissant et aussi délicieux. Nous ne la voyons pas présentement, il est vrai. Mais nous espérons la contempler un jour dans sa gloire, et nous en savons du moins assez pour nous attacher à elle. De ce que, nous ne pouvons la voir, elle n'est certes pas moins aimable, elle est toujours également tendre et digne d'amour. Si maintenant elle nous cache son visage, elle le fait pour nous donner lieu de mériter en l'aimant, et par l'amour que nous lui portons durant le cours de cette vie mortelle, obtenir de jouir de l'amour ineffable que nous lui porterons dans le ciel. Aimons-la donc de toutes nos forces, et acquittons-nous ainsi envers elle du premier et du plus important de nos devoirs. Le second devoir d'un fils envers sa mère est le respect et l'honneur filial, Tobie 4, 2. Si donc nous sommes les enfants de Marie, nous devons l'honorer. Mais comment? Eh mon cher frère, l'amour même vous enseignera suffisamment de quelle manière vous pouvez honorer votre mère. Cet amour filial et tendre sera un maître bien capable de vous instruire, et bien éloquent pour vous persuader de tout ce que vous avez à faire. J'en dirai néanmoins quelque chose. Vous pouvez lui donner une marque de respect en vous inclinant, ou en vous découvrant, toutes les fois que vous entendez nommer, ou que vous prononcez vous-même son très doux nom. Vous pouvez en faire autant quand vous passez devant quelqu'une de ces images. Vous feriez mieux encore en cette circonstance de vous mettre à genoux pour réciter un Ave Maria. Vous pouvez aussi visiter dévotement quelque église, chapelle, ou hôtel dédié à Marie, vous pouvez y célébrer, ou du moins y entendre la Sainte Messe, vous pouvez lui présenter quelques légères offrandes, ou, ce qui sera peut-être mieux, faire à un pauvre l'aumône en son nom, spécialement lorsque quelqu'un réclame de vous un secours ou tout autre acte de charité pour l'amour de Marie, gardez-vous de renvoyer jamais un tel suppliant sans consolation. Vous pouvez aussi lire souvent quelques livres qui en parlent, vous pouvez en parler souvent vous-même, afin de propager sa dévotion, selon les circonstances que vous présente votre état, vous pouvez réciter chaque jour le chapelet, et le faire réciter à vos inférieurs. Vous pouvez enfin l'invoquer au moment du péril, ou de la tentation, « Invoquez-moi, dit le Seigneur, au jour de la tribulation, je vous délivrerai, et vous me glorifierez. » Psaume 49, 15, Marie nous adresse les mêmes paroles « Venez à moi, mon fils, au moment de l'affliction ou du danger, et vous procurerez un double bien en premier lieu vous m'honorerez, et ensuite vous obtiendrez de moi d'être délivré de vos peines. Vous pourrez lui rendre gloire et honneur de bien d'autres manières, dont je ne parle pas, dans la crainte de dépasser les bornes de la brièveté. Un troisième et important devoir des enfants envers leur mère, c'est de leur obéir. Vous devez donc aussi, mon cher frère, prêter obéissance à Marie. Bien volontiers, me répondez-vous, mais que me commande-t-elle ? Écoutez, mon frère, les préceptes de votre mère, et remarquez comme ils sont justes et raisonnables. Le premier est celui-ci, mon enfant, je vous recommande Jésus, mon fils premier-né, ne l'affligez pas, ne recommencez pas à lui donner la mort par vos péchés, gardez-vous de l'attacher de nouveau à la croix, tâchez au contraire d'éviter toute offense, soit grave, soit légère, du moins toute faute délibérée, oui, conservez-moi mon bien-aimé fils Jésus. Ne trouvez-vous pas, mon frère, ce commandement aussi raisonnable que juste? Cette tendre mère peut-elle nous donner un ordre plus équitable, et pourrions-nous, après cela, nous glorifier du beau titre d'enfant de Marie, si nous lui refusions l'obéissance dans une chose aussi raisonnable et aussi juste? Pourrait-elle croire, dans ce cas, que nous lui portons un amour vraiment filial? Ah, si vous m'aimez, pourquoi haïr et outrager mon cher fils Jésus? Renonçons donc à causer le moindre outrage à ce charitable et doux sauveur, le fils très aimable de Marie, notre frère tout embrasé d'amour pour nous, et le premier-né d'entre nos frères, Romains 8, 29, ainsi qu'il a bien voulu se faire appeler. Gardons-nous de tout ce qui pourrait lui causer quelque déplaisir, évitons par conséquent tout péché non seulement mortel, mais même véniel, du moins délibéré. Quand nous sommes exposés à quelque occasion de péché, disons aussitôt avec générosité non, je ne ferai pas cette offense à Jésus, je ne causerai pas ce déplaisir à Marie. Elle nous recommande d'ailleurs de fuir non seulement le péché, mais tout ce qui y conduit, parce qu'elle sait fort bien que nous ne pourrons éviter de tomber, si nous nous exposons volontairement aux occasions de chute. Fuyons-les donc autant que nous le pouvons. Quant aux plus dangereuses et aux plus prochaines, il faut les éviter à tout prix. Pour celles qui sont éloignées, évitons-les, si nous le pouvons. Sinon, ne nous y exposons qu'après nous être prémunis de la crainte de Dieu et de la dévotion envers Marie. La Vierge Mère désirerait encore autre chose de ses enfants, c'est qu'ils s'efforçassent d'imiter ses vertus. Soyez mes imitateurs, comme je l'ai été de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, 16, semble-t-elle nous dire avec l'apôtre. Imitons-la comme nous le pouvons, contemplons ce parfait modèle, et tâchons de le retracer en nous. Mais nous traiterons plus à propos de ce sujet à l'occasion de la fête suivante. Écoutons maintenant un autre précepte de Marie, Elle nous invite et nous presse. Et pourquoi ? Proverbe 9, 5. Venez, nous dit-elle, venez, mes enfants, vous asseoir au banquet que je vous ai préparé. Mangez le pain que j'ai composé dans mes entrailles. Buvez de ce vin céleste qui a été puisé dans mes veines. Venez tous et venez souvent. Pourrait-on, mon cher frère, se faire l'idée d'une invitation plus touchante? Mais aussi imaginerait-on un oubli, une ingratitude plus monstrueuse que celle de ces indifférents, qui refusent de se rendre où leur mère les invite avec tant d'amour et de tendresse? À ne soyez pas du nombre de ces fils ingrats et indociles. Approchez-vous souvent de la table sainte, et spécialement dans les jours où l'on célèbre quelques fêtes de la très sainte Vierge. Allez vous enrichir des trésors de grâce que votre mère et la mienne distribuent en ces jours. Ne refusez pas une faveur si précieuse. Voilà, mon cher frère, l'aperçu des devoirs indispensables que nous avons à remplir à l'égard de Marie, notre tendre et affectueuse mère, amour, respect et obéissance. Remplissons-les si nous voulons être admis au nombre de ses enfants, soyons envers elle des enfants pieux, et ne doutons pas qu'elle ne soit pour nous, non seulement une mère tendre, mais la plus tendre, la plus excellente de toutes les mères. Elle se montrera telle à notre égard. Elle nous obtiendra les grâces nécessaires pour fuir le péché, pratiquer la vertu, persévérer dans le bien, mener une vie sainte, faire une heureuse mort et aller enfin jouir avec elle de la vue de Dieu pendant tous les siècles des siècles. Amen. Markham Dan Archivorg 2023, d'après Books Google et faire licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.